Et donc l'émergence de la figure de Mishima et surtout de sa mort mise en scène, ça a été vraiment quelque chose qui gênait les gens. Hein, les gens ils fuyaient quand on leur parlait de Mishima, les Japonais à cette époque-là. Donc là aussi, c'est comme l'auteur de Hagakure, lorsque le seigneur lit ce texte, ils disent mais ce type est fou. Et les Japonais, quand ils ont vu Mishima, ils ont dit mais ce type est fou. Et d'ailleurs, les soldats qui étaient, puisqu'il a fait sa harangue devant les soldats de la sur la base de la caserne d'Ichigaya à Tokyo, les soldats qui étaient là le huaient, le conspuent. Dégage, ils lui disent, fiche le camp. Et lui, il continue son discours. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de contradiction totale entre ce type de discours, qui sont des discours, je dirais, esthétisants, esthétiques, et fondamentalement suicidaires, et puis la réalité, la vie quotidienne des gens qui se passent... Mais sous cette forme-là que dure l'éthique samouraï aujourd'hui, qu'elle persiste, non? Cette forme un peu esthétisante. C'est plutôt, je dirais, c'est le champ du cygne, hein, parce que l'éthique samouraï aujourd'hui, ça ne correspond plus à rien. Voilà, si ce n'est une sorte d'idéalisation du passé. C'est une idéalisation du passé, certes, mais personne aujourd'hui ne se revendique d'une manière ou d'une autre. Parmi les grands écrivains japonais d'aujourd'hui, les cinéastes, allez chercher qui vous voulez, personne ne se revendique de cela. Mishima fut certainement le dernier de ce point de vue-là. Merci beaucoup Pierre-François Souris d'être venu nous parler des samouraïs aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je renvoie les auditeurs à votre livre « Les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs » disponible aux éditions Flammarion. Encore un tout dernier mot, expliquez-nous pourquoi on parle du Japon cette année autant? Pourquoi cette année culturelle du Japon? Alors on parle beaucoup du Japon à Paris cet automne. Oui. On en parle déjà beaucoup moins ailleurs qu'en France et en province. C'est parce que le gouvernement japonais a décidé, encore avec le gouvernement français, d'organiser une grande saison culturelle japonaise pour fêter le 160e anniversaire des relations franco-japonaises, donc l'ouverture la signature d'un traité de paix. Alors que le 150e anniversaire était passé totalement inaperçu il y a 10 ans. Bon, ça c'est pour des raisons, je dirais, de réarmement idéologique, si je devais être un petit peu méchant. Bon, en tout cas, à cette occasion, France Culture va proposer un week-end spécial Japon le week-end prochain, et nous, en compagnie avec Entendez-vous l'écho, hein, l'émission de Tiffany Rockin à 14h sur France Culture, et bien on consacre toute cette semaine au Japon. Il est 10h52 sur France Culture, il est l'heure de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui pour votre journal de la philo, vous avez une question à nous poser. Oui, c'est exact. Savez-vous ce qu'est un point névralgique en philosophie? Pas vraiment? Non. C'est parce que vous ne vous êtes pas encore plongé dans le livre d'Yves-Charles Zarqa, paru la semaine dernière aux presses universitaires de France. La définition que propose le philosophe est la suivante. Un point névralgique en philosophie, c'est une question ou une position particulière, locale, mais autour de laquelle une philosophie se joue dans sa totalité. Autrement dit, c'est un lieu de décision philosophique qui n'engage pas seulement la cohérence d'une pensée, mais aussi et surtout sa spécificité et sa teneur. Toute œuvre philosophique comporte donc un ou plusieurs points névralgiques qui déterminent l'essentiel de la signification de cette œuvre. C'est à la découverte de ces points névralgiques chez quelques philosophes contemporains savamment sélectionnés que s'attache Yves-Charles Zarqa dans son ouvrage. Son but n'est pas de restituer leur pensée, d'en montrer la filiation, les origines ou la portée. Non, ce qui intéresse Zarqa, c'est les points de crise où une pensée se joue elle-même à travers une décision qui va engager sa teneur. C'est la mise en place d'un concept inédit, d'une orientation nouvelle, de l'ouverture au pensable, de ce qui n'a jamais été pensé auparavant. Le premier philosophe disséqué par Zarqa, c'est Michel Foucault, qui a profondément modifié la problématique politique dans la deuxième partie du XXe siècle, concernant particulièrement la nature et l'exercice du pouvoir, qu'il soit institutionnel, social ou politique. Pour Zarqa, un des points névralgiques essentiels de la philosophie de Foucault, c'est la question du sujet et le tournant éthique opéré par le philosophe au début des années 1980. Tournant éthique qui l'oblige à donner une place centrale au sujet se constituant lui-même, c'est-à-dire un sujet qui n'est ni remis en cause, comme dans les années 1960, ni pensé comme assujetti au pouvoir, comme dans les années 1970. Autre point névralgique dans la philosophie de Foucault, son utilisation de la parésia, le dire vrai, le parler franc. Zarqa raconte que le dernier Foucault, celui des années 1980, est un moraliste dont l'objet principal concerne les pratiques de soi, les exercices sur soi, l'accès à la vérité et à la maîtrise de soi. C'est dans ce contexte de redécouverte de ce que les Grecs appelaient l'épiméléia et autou, le souci de soi, et de son corollaire le gnotis et auton, le connais-toi toi-même, que Foucault revient à la conception grecque de la parésia, pour expliquer que, bien avant la figure chrétienne du confesseur et contemporaine du psychanalyste, les Grecs avaient conçu qu'un sujet ne pouvait dire la vérité sur soi que dans le rapport à un autre qui écoute et l'enjointe à parler. Alors à part Foucault, qui passe au scalpel de Zarqa ? Alors après Michel Foucault, évidemment Jacques Derrida. Pour Zarqa, deux points particulièrement sont une invitation à dépasser les limites du pensable chez Derrida. D'une part, le concept du pardon de l'impardonnable, qui va au-delà de toute condition et qui fait un saut métaphysique en sortant du cadre de l'éthique judéo-chrétienne du pardon. D'autre part, le concept d'hospitalité inconditionnelle, qui là encore entend défier tous les modèles et dépasser toutes les limites, notamment celles posées par Kant. Bon, Foucault, Derrida, il en manque un, c'est Deleuze. Voilà, exactement. Après Jacques Derrida, Gilles Deleuze, évidemment, et ses réflexions sur le rapport de la philosophie au territoire, au travers des concepts, des points névralgiques, de déterritorialisation et de reterritorialisation. Si la déterritorialisation, c'est l'arrachement critique de la philosophie à son époque, qui explique que toute proposition philosophique peut nous concerner au-delà de l'époque à laquelle elle a été formulée, la reterritorialisation, quant à elle, correspond à un mouvement inverse, à la rencontre de la philosophie avec un territoire, un endroit, un concept. La dissection continue. Chez Lyotard, Zarqa isole le concept de postmodernité, que le philosophe n'a pas inventé, mais qu'il a popularisé dans son ouvrage « La condition postmoderne ». Chez Lacan, le point névralgique, selon Zarqa, c'est l'usage de la pensée psychanalytique dans le champ de la philosophie politique, usage dont Zarqa dit qu'il serait salutaire. Chez Bourdieu, Zarqa retient le concept de monopole de la violence symbolique légitime, accordée à l'État moderne, qui révèle le caractère encore totalement religieux de nos représentations politiques contemporaines. Chez Jean-Paul Sartre, c'est la question de l'humanisme qui constitue un point névralgique, tandis que chez Lévinas, c'est l'humanisme hétéronome, un humanisme formé à partir de lectures bibliques et talmudiques. Chez Paul Ricoeur, c'est aussi la question du sujet qui s'impose, comme une pierre angulaire de l'édifice philosophique. L'accès à soi, la vérité de soi est toujours différée, jamais atteint. C'est ce que Ricoeur appelle l'interminable odyssée de soi à soi. Chez René Girard, c'est naturellement sur le concept de désir mimétique que Zarqa porte son attention. Bref, vous l'aurez compris, le livre d'Yves-Charles Zarqa, Point névralgique de la philosophie, paru aux Presses universitaires de France, est un précis de philosophie original et entraînant. Je ne peux qu'en recommander la lecture. C'est noté, merci Anastasia, et bravo pour avoir prononcé plusieurs fois de suite le mot de déterritorialisation qui est redoutable à prononcer à la radio. Redoutable. Vous le répéterez 5 fois demain. À demain en tout cas. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Sharon Oury qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Marie Simon, Isis Jourda, Géraldine Bosna-Savoie. À la réalisation cette semaine, c'est Nicolas Berger. À la prise de son aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan. À la lecture des textes, Shems Oda. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur le Japon. Demain, nous recevrons Éric Marty pour évoquer l'Empire des signes de Roland Barthes. Encore une manière d'interroger le point de vue occidental sur le Japon. Puis après, on se plongera directement dans le Japon, la philosophie japonaise et le cinéma japonais avec Miyazaki. Notamment, ça ce sera mercredi. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez tout réécouter en ligne ou bien podcaster, télécharger chaque émission pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.